orthodoxe aujourd'hui. Christ est ressuscité. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur les ondes de Radio Notre-Dame. Aujourd'hui, c'est le quatrième dimanche après le Sainte-Pâques, la fête des fêtes, dont la date a été commune cette année à tous les chrétiens. Nous sommes dans la période où, pendant 40 jours, jusqu'à son ascension, le Christ ressuscité était apparu à ses disciples et les avait entretenus du royaume de Dieu, comme on apprend au début du livre des Actes des Apôtres. Pour nous entretenir sur les apparitions du ressuscité et sur les hypothèses qui ont contesté la vérité de la résurrection du Christ, j'ai invité aujourd'hui dans le studio de Radio Notre-Dame Jean-François Colosimo. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Vous êtes éditeur, essayiste, auteur de films documentaires et vous enseignez la pathologie à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris. Le silence des anges est le titre d'un de vos livres et d'un film documentaire dont vous êtes le co-auteur avec Olivier Mille, où vous avez présenté la richesse et la beauté de la musique liturgique orthodoxe à travers le monde. Vous êtes aussi l'auteur du livre « Dieu est américain » de la théodémocratie aux États-Unis, sorti l'année dernière au Fayard. Vous êtes parmi les invités de la première heure de cette émission de l'Église orthodoxe aujourd'hui. Mais dernièrement, vous êtes présent davantage sur cette antenne, car chaque vendredi, vous co-animez avec mon collègue de Radio Notre-Dame, Émeric Pourbet, et avec Jean-Luc Mouton, l'émission écuménique Élection Providentielle. Jean-Luc Mouton, si vous permettez, de réforme, n'est-ce pas? De réforme, bien sûr. Donc il y a donc un catholique, un protestant, un orthodoxe qui est vous-même. Il s'agit de l'émission écuménique Élection Providentielle où vous confrontez femmes et hommes politiques aux questions de fond, valeurs et convictions éthiques qui animent les chrétiens. J'invite tous ceux qui veulent participer à notre entretien festif à nous joindre au numéro de téléphone 01 56 56 44 45. Je répète, 01 56 56 44 45. Dora Wojcicki va répondre à vos appels. Vous pouvez également nous adresser vos questions en écrivant à l'adresse électronique de l'émission ortradio@free.fr. Je répète, ortradio@free.fr. Le dimanche de Saint-Pâques est la fête des fêtes célébrée dans la joie de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on est aujourd'hui dans la continuation de cette joie pascale. Maintenant, le quatrième dimanche après la résurrection, donc on va avoir un dialogue avec Jean-François Colosimo, un dialogue festif, un dialogue détendu autour de cette table ronde, autour d'un verre de vin aussi. Jean-François, on commence par se saluer le Christ ressuscité. Oui, c'est une avance classée à distance anesthie, puisque cette salutation dans l'Église orthodoxe se fait dans toutes les langues. C'est un avant-goût de la Pentecôte, on va dire, puisque Pâques, c'est notre résurrection en Christ, telle qu'elle va être ensuite vécue, assumée dans toute l'Église. Voilà, c'est déjà l'émission en direct dernière que j'ai commencé à faire ce type d'émission un peu autour d'un verre de vin. Là, c'était le dimanche de Rameau. Et je rappelle qu'on a parlé la dernière fois de cette fête religieuse, qui est une fête en deux temps, qui commence le matin à l'église, à la messe ou à la divine liturgie, et qui continue l'après-midi à la maison, dans la famille, mais qui est centrée sur l'événement religieux célébré. Donc aujourd'hui, c'est dimanche, et c'est encore la joie pascale qui nous anime. Jean-François Colosimo, dites-nous deux mots sur ça. Je sais que vous aimez bien de faire cette fête après la liturgie du dimanche. Vous avez beaucoup d'invités souvent chez vous, des orthodoxes de diverses origines. Et il y a quelque chose de l'esprit méridional, parce que vous êtes originaire d'Avignon, je pense, Absolument. La fête, ça doit être la véritable fête, non pas cette triste trahison festive, n'est-ce pas, qui caractérise l'esprit moderne. On devrait faire la fête pour la fête, mais il y a effectivement une manière d'être en Église qui fait que l'Église, ce n'est pas simplement le temple, ce n'est pas simplement l'endroit où se joue le sacrement, et qu'il ne faut pas opposer, en quelque sorte, comme dirait Saint Jean Chrysostome, le sacrement de l'autel au sacrement du frère. La table du banquet est la continuation normale de l'autel. La joie du rassemblement, la joie de la communion verticale ne se passe pas de la joie de la communion horizontale. Ça a été la force du christianisme, de savoir baptiser les cultures, de savoir enfanter les peuples, de savoir leur donner des hymnes, des cantiques, des rites, des processions. Lorsque toute cette religiosité fuit, eh bien, elle ne disparaît pas, elle se réfugie ailleurs, par exemple, dans les matchs de football. Elle entraîne le retour des sacrifices sanglants, le retour des ordalies, le retour de la violence, enfin, etc. Alors qu'il y a une sainte joie, effectivement, à fêter les fêtes de l'Église dans toutes leurs dimensions, y compris humaines. Et particulièrement cette nuit de Pâques qui est la nuit du Royaume. Merci. Donc voilà, on va continuer la fête dans la joie de la résurrection aujourd'hui, même si on va traiter aussi des sujets plus graves. Et je vais commencer par un bref rappel liturgique. Donc, dans l'Église orthodoxe, le dimanche de Thomas, deuxième après Pâques, a été consacré au saint apôtre qui, voyant et touchant Jésus-Christ ressuscité, a reconnu sa divinité. Le dimanche dernier, troisième du temps pascal, appelé le dimanche de Mirefort, véritable célébration de la femme chrétienne, l'Église orthodoxe a honoré les femmes porteuses de myrrhe, les premières personnes qui ont été rendues dignes de voir le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité s'est montré d'abord à Marie de Magdala, près du tombeau, puis aux autres Mirefort qui embrassèrent ses pieds en signe d'adoration. Ensuite, il s'est montré aux deux disciples qui faisaient route vers le village Emmaüs, avant d'apparaître au milieu de ses apôtres. Nous allons revenir plus en détail sur les apparitions du ressuscité comme témoignage contre les diverses hypothèses qui ont contesté la vérité de la résurrection du Christ. De telles hypothèses, certains lancées dès le jour de la résurrection, ont ressurgi à notre époque, que certains considèrent déjà comme post-chrétienne. Par exemple, dans le récent documentaire de James Cameron, produit par James Cameron, qui est le réalisateur du film Terminator et Titanic, qui a été diffusé pour la première fois aux États-Unis le 4 mars dernier. Dans ce film intitulé « Le tombeau perdu de Jésus », il a affirmé qu'un tombeau du 1er siècle, découvert en 1980, serait celui de Jésus, de Marie-Madeleine et de leur fils prénommé Judas, affirmation vivement contestée par les archéologues et les spécialistes. Bien sûr, on se rappelle aussi du livre et du film Da Vinci Code, on va revenir sur tous ces sujets d'actualité. Mais occupons-nous d'abord de la première hypothèse qui a essayé à contester la vérité de la résurrection du Christ. Je vous rappelle que dans l'Évangile selon saint Matthieu, déjà au chapitre 27, verset 62, on nous dit que le lendemain, après la préparation, donc c'était le vendredi soir, les grands prêtres et les pharisiens se rendirent encore chez Pilate et ils lui ont demandé de mettre une garde à la tombe du Christ. Pilate a été d'accord, donc ils allèrent et s'assurèrent du sépulcre en scellant la pierre en postant une garde. Et plus tard, plus loin, Matthieu 28, verset 11, on nous dit que après le passage des femmes mirophores au tombeau, qui ont pu remarquer pour la première fois le tombeau vide et qui ont entendu le message de l'annonce de la résurrection de la bouche de l'ange qui était au tombeau, tandis qu'elle s'en allait, je cite, « Voici que quelques hommes de la garde vinrent en ville à apporter au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceci, après une réunion avec les anciens et après avoir délibéré, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Avec cette consigne, vous direz ceci, « Ses disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé tandis que nous dormions. Que si l'affaire vient aux oreilles du gouverneur, nous nous chargerons de l'amadouer et de vous épargner toute ennui. » Les soldats, ayant pris l'argent, exécutèrent les consignes et cette histoire s'est colportée jusqu'à ce jour. Donc, on voit comme les autorités politiques et religieuses de l'époque ont essayé déjà, dès le jour de la résurrection, dès la première annonce de la résurrection, d'inventer une histoire, d'inventer une hypothèse contre la résurrection du Christ, et qui n'a pas tenu debout, parce que, justement, il y a une contradiction ici dans le thème aussi, ses disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé tandis que nous dormions. S'ils dormaient, comment ils savaient ce qui s'est passé, et s'ils étaient pas endormis, pourquoi ils ont pas arrêté les disciples. Donc il y a une contradiction dans le thème aussi, dans la formule qui a été lancée à cette occasion-là. Mais Jean-François Colosimo, on sait bien quel impact a pu avoir sur les apôtres, sur les premiers disciples du Christ, l'annonce de la résurrection du Christ. Comme ils ont été complètement changés, des gens peureux qui restaient enfermés dans leur chambre de peur de pas être découverts par les autorités, ils ont devenu des apôtres pleins de courage qui ont annoncé dans le monde entier la résurrection du Christ. Qu'est-ce que vous pensez de cette transformation ne pouvait pas avoir lieu si c'était seulement une rumeur et si c'était pas, n'est-ce pas, une vérité expérimentée par eux, la vérité de la résurrection du Christ? Bon, ce qu'on peut dire d'abord, pour reprendre un peu, donc ce que vous avez dit d'abord, la première chose, c'est qu'effectivement, il y a une tradition. D'abord, il est normal qu'il y ait une négation de la résurrection. C'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce que c'est normal? Parce que la résurrection est au cœur de la foi chrétienne. Donc, qui n'est pas chrétien doit nier la résurrection. C'est un peu une preuve, à contrario, à l'envers, de l'importance de la résurrection. Mais c'est exactement ce que dit l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, donc dans un des premiers textes du christianisme, un des premiers textes écrits que nous ayons, puisque les versions finales des évangiles viendront après les épîtres de Paul, n'est-ce pas, dans l'ordre historique. Eh bien, que dit saint Paul? Il dit, voilà, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, n'est-ce pas? Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes des fous. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors il y a un mensonge hallucinant, en quelque sorte, puisque dans ce cas-là, les pécheurs sont toujours pécheurs, les morts sont toujours morts. Or, voilà que les pécheurs ne sont plus pécheurs et que les morts ne sont plus morts. C'est évidemment ça, l'annonce de la résurrection, c'est ce fait fondamental de la foi chrétienne, la vie de la communauté primitive et l'histoire d'une défaite. Voilà que le Messie meurt sur la croix. Qu'est-ce qu'un Messie qui meurt sur la croix, n'est-ce pas? On peut imaginer le désarroi des disciples. Normalement, l'histoire de la communauté de Jésus de Nazareth devrait s'arrêter à ce moment-là, sur le Golgotha. Et voilà qu'elle ne s'arrête pas, et voilà que 2000 ans après, elle constitue la première religion du monde. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Comment est-ce qu'on passe d'un Pierre, que l'Évangile n'hésite pas à nous montrer, tremblant, niant, trahissant, fuyant, à un Pierre qui va vers la mort 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, à Rome, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on passe, en quelque sorte, de cette stupéfaction des disciples qui attendaient le royaume sur terre à l'annonce universelle du royaume de Dieu dans nos cœurs, voyez. Eh bien, il s'est passé quelque chose, voilà. Ça, c'est la seule chose que même l'historien des religions ne peut pas éluder. Il s'est passé quelque chose qui fait que l'échec apparent de Jésus, symbolisé par sa croix, est devenu un signe de victoire, n'est-ce pas ? La croix est devenue un signe de victoire. Alors cette mutation, elle s'enracine dans la confession de la communauté primitive. Et la communauté primitive, sa confession de foi, son le kérigme, ce qu'on appelle le kérigme, c'est une seule chose, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts. Ressuscité, c'est-à-dire pas comme Lazare. Pas comme Lazare qui est un ressuscité, quelqu'un qui est revenu des morts, mais pour reconnaître la mort. Non, là, c'est Dieu lui-même qui est descendu aux enfers, qui a triomphé des enfers, car les enfers ne pouvaient pas retenir l'immortel, qu'il est. Et voilà que d'un coup, le pouvoir de la mort est aboli, un nouveau mode de vie est instauré sur terre, qui est le mode de vie que Dieu voulait pour l'homme, que l'homme a perdu, et qu'il retrouve là, qui est la communion, en fait, à la vie même de Dieu. D'ailleurs, quand les grands prêtres de l'Ancien Testament, les pharisiens demandaient au Christ un signe pour leur montrer, pour leur démontrer qu'il est vraiment le Fils de Dieu, il leur répondait toujours « Aucun autre signe ne vous sera donné que le signe de Jonas ». Comment le prophète Jonas de l'Ancien Testament, donc il est resté dans le sein de la baleine, le ventre de la baleine pendant 3 jours, ainsi le Fils de l'homme restera dans la terre pendant 3 jours. Donc c'était le signe de sa résurrection. Et c'est à travers sa résurrection qu'il nous a vraiment démontré, une fois pour toutes et contre tout doute, qu'il est le Fils de Dieu. Maintenant, vous parlez de cette résurrection du Christ qui est une résurrection nouvelle, d'un type nouveau, et pas comme la résurrection de Lazare et d'autres personnes qu'il a ressuscité lui-même pendant sa vie terrestre. Et là, je me rappelle qu'il y a eu aussi quelques hypothèses, juste déjà au 1er siècle de l'ère chrétienne, certains sectes gnostiques qui voulaient croire que le Christ est ressuscité avec un corps apparent, ou un corps spirituel, ou un autre corps que son corps charnel avec lequel il a été crucifié. Et là, c'est intéressant de rappeler cette apparition au milieu des apôtres, le jour de la résurrection même, quand ils passent à travers les portes fermées, mais il leur demande à manger, donc pour montrer la matérialité de son corps, et surtout, il montre les traces des clous et la trace de son côté, les cicatrices, n'est-ce pas, de ses blessures, pour leur montrer qu'il est vraiment lui, et que c'est vraiment son corps qui a été crucifié. Il n'y a plus d'apparition de Jésus au sens propre après la résurrection. Il y a des christophanies, c'est-à-dire le Christ se révèle en lui-même, c'est-à-dire que le Christ crucifié et ressuscité est le Christ exalté dans l'éternité auprès du Père. La divinisation de l'humanité que le Verbe incarné a opéré, l'humanité, la glorification de l'humanité. La victoire pour toute l'humanité réelle, concrète, y compris dans la chair. La victoire sur la mort, sur la limitation, sur la faim, sur la soif, sur la douleur, sur la souffrance. L'émancipation de l'homme, son exode vers l'incréé, n'est-ce pas ? Eh bien, tout cela est dans ses apparitions. Le Christ se montre corporellement. C'est corporellement qu'il est exalté auprès du Père. C'est corporellement qu'il co-règne avec le Père. Et évidemment, les stigmates de la passion sont là, mais transfigurés évidemment dans le corps de gloire, n'est-ce pas ? Dans le corps, en fait, de lumière. C'est la lumière du royaume que le Christ manifeste à travers son propre corps. N'est-ce pas ? Ce corps qui est aussi appelé à devenir le corps même de l'Église, de l'humanité, enfin rassemblée et ayant retrouvé, en fait, la vie éternelle. Alors, par rapport à ça, il est évident que toutes sortes de négations viennent là-dessus. Il est intéressant, d'ailleurs, vous en parliez au départ, de voir que le judaïsme à nier en quelque sorte, et c'est tout à fait là encore normal, il ne s'agit pas de ranimer de vieilles querelles, mais le judaïsme, pour le judaïsme, cette idée d'un dieu crucifié, Paul le dira, c'est un, n'est-ce pas, c'est une horreur, une abomination, c'est un scandale, c'est une folie. Et évidemment, des écrits du Moyen-Âge tirés du Talmud, comme le Tolédote Yeshu, racontent comment en fait le corps de Jésus a été subtilisé. Mais voyez, dans l'islam, vous trouvez la même chose aussi. Le Coran adopte des théories que nous savons être assez, je dirais, docétistes, c'est-à-dire celles qui prétendent que le Christ n'est mort qu'en apparence, et le Coran raconte qu'il a été descendu de la croix, remplacé en quelque sorte, n'est-ce pas ? Bien non, ça n'est pas du tout l'approche du christianisme. L'approche du christianisme, c'est que il est réellement crucifié et qu'il se manifeste réellement comme ressuscité, n'est-ce pas ? Les clous entrent vraiment dans sa chair et c'est pour cela que c'est bien sa chair qui est glorifiée après la résurrection. Pourquoi ? Parce que la promesse de la résurrection qui nous est faite, c'est la promesse de la résurrection de notre vie réelle. Or, l'homme est, avec des tirés partout, une âme en un corps. Et voilà qu'en fait, se révèle la gloire même du christianisme, comme le dira plus tard Saint Jean Damascène, qui est la glorification de la matière, la glorification du corps, la vénération du corps, la splendeur du corps, la gloire du corps. Gloire du corps que le Christ manifeste pleinement dans ce temps intermédiaire où il est ressuscité, où il va être exalté, il va monter aux cieux, et où il est là, et où il se manifeste pleinement à ses disciples, et c'est sur cette rencontre avec le Christ ressuscité que va se fonder la foi des disciples, comme se fonde à chaque génération la foi de chaque chrétien. On peut être peut-être des tas de choses par naissance, par filiation, par adoption, par adhésion, mais on est chrétien que parce que sur le chemin d'Emmaüs, on a fait aussi, nous-mêmes, chacune d'entre nous, la rencontre avec le Christ ressuscité. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez nous joindre et participer à ce débat, à cet entretien avec Jean-François Colosimo, donc au numéro de téléphone 01 56 56 44 45. Je vous propose maintenant d'écouter une hymne de l'Église orthodoxe, une hymne liturgique chantée selon la tradition russe, mais en français par la chorale Saint-Jean Damascène de Paris. Thank you. Radio Notre-Dame sur 100.7. Voilà, chers auditeurs, nous sommes dans le studio de Radio Notre-Dame avec Jean-François Colosimo. Nous parlons des apparitions du Christ ressuscité et des hypothèses contre la résurrection du Christ. Vous venez d'écouter une hymne liturgique de la période pascale. Tantôt l'humanité, tu t'es endormi comme un mortel, ô roi et seigneur, le troisième jour tu ressuscites au Pâques incorruptible, au salut du monde. On parlait, Jean-François, du corps du Christ, le même qui a été crucifié, le même qui a ressuscité. On dit souvent que l'Église orthodoxe, c'est la théologie orthodoxe est une théologie du corps. Le corps est très important, n'est-ce pas? Le corps est très important pour les théologiens orthodoxes. Donc, je comprends que vous insistez beaucoup aussi sur le corps du Christ ressuscité. Il semble qu'effectivement, on ne peut pas comprendre que la foi chrétienne, c'est la foi, en fait, de l'homme restauré dans la plénitude du Jardin d'Éden, et même plus haut que cela, de l'homme qui accède à la vie même, de Dieu à la vie de la Trinité, cette vie qui coule, en quelque sorte, de la croix et de la résurrection du Christ, n'est-ce pas ? Et c'est pour cela, d'ailleurs, que très souvent, il y a un problème fondamental de mécompréhension sur ce qu'est l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas un recueil de sentences, ce n'est pas une sagesse, ce n'est pas une sorte de philosophie. Alors on va dire, oui, mais regardez, Bouddha dit la même chose, le Talmud dit la même chose, etc. Mais l'Évangile ne porte pas là-dessus. L'Évangile ne porte pas sur des points de vie. L'Évangile porte sur la vie elle-même, à savoir le Christ. C'est-à-dire que la prédication du Christ dans l'Évangile, c'est une prédication sur lui-même. Or, c'est une prédication qui s'inverse. Que dit le Christ ? Il dit, et vous ? Qui dites-vous que je suis ? N'est-ce pas ? Il pose la question à ses disciples, à la foule. Même lorsque pense Pilate, lui demandera, es-tu le roi des Juifs ? Es-tu le roi ? Donc, tu l'as dit, répondra Jésus, sans répondre autrement qu'en renvoyant son juge à la question, qu'est-ce que la vérité ? La rencontre avec le Christ, c'est krisis en grec, l'heure du jugement, n'est-ce pas ? Qui suis-je, vous demande-t-il, n'est-ce pas ? Et voilà qu'en fait, ce sont les apôtres qui répondent. La confession de foi, évidemment, sur la route de Césarée, par Pierre, qui est une confession de foi qui concerne tout chrétien, évidemment, n'est-ce pas ? Tu es le Fils du Dieu vivant. Mais voilà donc, à partir de cette question elle est adressée au siècle. Elle est adressée à l'histoire, elle est adressée à l'entière humanité. Et qui est Jésus ? 2000 ans après sa mort, les questions continuent, la question demeure entière. Et les réponses continuent à fuser. Toutes les époques ont voulu répondre. Il y a eu autant de Jésus que d'époques. Et en quelque sorte, en fait, la théologie, l'art, la littérature, la philosophie ont toutes voulu fixer Jésus, alors que le mystère de Jésus, évidemment, dépasse toute époque, tout genre, toute représentation. Alors, on a un premier appel dans notre émission. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Alexandra. Voilà. Et vous appelez d'où ? De Paris. On vous écoute. Alors, j'ai une question par rapport aux évangiles apocryphes. Est-ce que parmi ces évangiles, il y en a qui sont intéressants ou voire utiles pour le croyant aujourd'hui, ou pas ? Merci, Jean-François. Oui, la réponse est simple, c'est les évangiles dits apocryphes, on y viendra tout à l'heure peut-être plus longuement, les évangiles dits apocryphes sont des évangiles qui n'ont pas été intégrés dans le canon de l'Église, n'est-ce pas ? C'est-à-dire l'Église a reconnu des évangiles comme étant des textes fondateurs pour elle, en a rejeté d'autres. Parmi les textes qui ont été rejetés, qui ont été des textes fabriqués ultérieurement, qui ne correspondent pas au message de l'Église primitive, qui est un message qui porte essentiellement sur le Christ ressuscité, eh bien, parmi ces textes, certains sont rejetés catégoriquement parce qu'ils relèvent, par exemple, de ces sectes dites gnostiques qui instrumentalisaient l'image de Jésus en proposant une vision du monde complètement différente, par exemple une vision du monde où le corps n'avait aucune place. Ou alors d'autres groupes, des sectes judéo-chrétiennes qui avaient tendance à ne pas comprendre toute la centralité de l'idée du Dieu verbe incarné, n'est-ce pas ? ou encore d'autres groupes, d'autres sectes. Et donc, il y a des textes qui sont foncièrement rejetés, anticanoniques, qui ne pourront jamais être assimilés du tout à l'expérience chrétienne, et puis d'autres qui sont plutôt des textes narratifs, qui ne prétendent pas donner une autre dogmatique que celle de l'Église, un autre message que celle de l'Église, mais qui apportent parfois des informations qui, n'étant pas retenues forcément dans l'enseignement de l'Église, ont malgré tout nourri la piété de l'Église. Que l'on pense par exemple au proto-évangile de Jacques, qui raconte la jeunesse de Marie et qui explique la fête qui existe dans le monde orthodoxe de la présentation de Marie au temple. Que l'on pense encore aux actes de Pierre, qui raconte comment Pierre à Rome se fait crucifier la tête en bas, ce qui est resté une croyance largement répandue, n'est-ce pas? Mais donc ces derniers textes, eux, n'ont pas d'obligation, même s'ils ont nourri des représentations. En attendant, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'Église elle-même a fixé qui est Jésus pour elle, et il n'y a aucune manière de savoir qui est Jésus en dehors des textes que l'Église a choisis, n'est-ce pas? C'est ça le véritable problème. Les gens qui pensent inventer, les gens qui inventent un nouveau Jésus aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils ne comprennent même pas qu'ils n'ont entendu parler de Jésus que parce qu'il y a une église chrétienne, n'est-ce pas? Ils croient savoir mieux que cette église qui est Jésus. Mais il y a là une espèce d'illusion d'optique ridicule qui est tout à fait moderne. Pourquoi? Parce que depuis des siècles, on a cherché à opposer le Jésus de l'histoire, depuis deux siècles au moins, depuis les Lumières, au Christ de la foi, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous avons un Jésus juif, un Jésus musulman, un Jésus bouddhiste, nous avons un Jésus gnostique, nous avons même eu récemment un Jésus libéral, dans un livre assez amusant, au demeurant, qui s'appelait « Jésus lave plus blanc », n'est-ce pas? Et qui était un peu une forme de parodie de tous ces Jésus inventés. Encore une fois, celui qui croit dépeindre Jésus, souvent ne se plaint que lui-même ne retrouve en Jésus que sa propre humanité, avec toutes ses limites. C'est ça, en fait, le problème. Pourquoi? Parce que le Jésus de l'histoire est un Jésus, au fond, je dirais, qui, après les Lumières, a été instrumentalisé contre le Christ de la foi, pour essayer de montrer que, en fait, les chrétiens ne savaient pas qui était Jésus, et que Jésus, au fond, lui-même, ne savait pas qui il était. Que Jésus était une création, peut-être de Paul, ce drôle de bonhomme, qui aurait, en quelque sorte, hellénisé ce juif de Jésus, n'est-ce pas? Qui l'aurait rendu compatible avec l'Empire romain. Enfin, toutes ces fadaises que les gens se racontent de la bouche à l'oreille, comme s'il s'agissait de grands secrets, alors que l'on est, je dirais, au stade de la médiatisation des fausses vérités les plus éculées qui soient. Et là, donc, il y a une inversion du savoir, une inversion de la culture, qui n'est pas sans intérêt, puisque la volonté de démythifier Jésus, qui a couru sur plusieurs projets, qui commencent, en fait, assez tôt, au XVIIIe siècle, avec l'idée même de Rémarus, c'est Jésus contre le Christ, n'est-ce pas? Qui continue avec Schleiermacher, où Jésus est un rationaliste, il ressemble en fait à Kant, un Jésus mythologique par Strauss, qui lui est un élève de Hegel, un Jésus libéral avec Renan, en France, un Jésus apocalyptique avec Schweitzer, le pasteur Schweitzer, un Jésus existentiel avec Bultmann, qui est l'homme qui dit que la résurrection n'est jamais que la manière dont les apôtres se sont réappropriés finalement la mort de Jésus, ont continué leur boulot comme si Jésus n'était pas mort, n'est-ce pas? Qui serait donc une sorte de fiction. Et puis un Jésus charismatique avec Jérémias, un Jésus contextualisé qui peut être un juif messianique, un prophète protestataire, un paysan juif méditerranéen, un sage populaire, un zélote, un essénien. Fameuse découverte des Esséniens. Finalement, Jésus, au cours du siècle, aura tout été, mais il n'y a qu'une chose qui unit ces Jésus tellement divers, c'est qu'ils sont tous incompatibles avec le Christ de la foi, le Christ des chrétiens. Donc, au fond, les chrétiens seraient les derniers ignorants au sujet de Jésus. Vous voyez, ce renversement qui a quelque chose de spectaculaire et qui tient réellement des lois les pires de la société moderne du spectacle. Voilà, ça c'est quelque chose de nouveau, on peut le dire, à partir du 19e siècle et surtout au 20e siècle, de trouver même des théologiens qui se nommaient donc des théologiens chrétiens, mais qui n'y croyaient plus à la résurrection du Christ. Et on a entendu parler au 20e siècle déjà d'un évêque anglican, par exemple, qui ne croit plus à la résurrection. Donc la résurrection devient pour eux une sorte d'événement symbolique, n'est-ce pas? C'est la manière de faire un deuil, en quelque sorte. La manière réussie de faire un deuil, n'est-ce pas? C'est sa manière. En fait, donc on a une forme de laïcisation intense, n'est-ce pas? Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que s'il n'y a pas de résurrection, comme le dit l'apôtre Paul encore une fois, notre foi est vaine. La résurrection fonde pour nous, n'est-ce pas, la communication même de la vie de Dieu à notre vie, notre communion. S'il n'y a pas cette communion, le christianisme, il faut le jeter à la poubelle. Le christianisme, c'est pas une morale, c'est pas un système économique, c'est pas un système politique, c'est même pas, encore une fois, une sagesse, n'est-ce pas? Dans toutes les sagesses, le personnage principal, c'est le saint, le héros, le sage, l'homme éveillé, celui qui peut apporter quelque chose. Mais dans le christianisme, dans l'histoire chrétienne, le personnage central, c'est qui? C'est le pécheur, celui qui crie « Seigneur, sauve-moi ». N'est-ce pas? Et donc là, il y a une forme, là encore, de distorsion moderne. Encore une fois, le Christ que présente Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, tel que le présente l'Église, est un personnage infiniment plus crédible que toutes ces inventions prétendant démythologiser la foi chrétienne et qui sont en fait des mythologies pires que même le monde antique n'aurait pu inventer. Jean-François Colosimo, venons maintenant à des hypothèses contre la résurrection du Christ qui ont été repris à notre époque, à l'époque moderne, au XXe siècle déjà, donc qui sont pas tout à fait nouvelles comme hypothèses, mais qui ont connu un succès. Donc au XXe siècle et même maintenant dans certains milieux. Vous parlez de... Donc il y a eu une mode, il y a eu un essai au début du XXe de nier l'historicité du Christ. Maintenant c'est plus en vogue de procéder comme ça pour ceux qui ont une position antichrétienne. Ils préfèrent de reconnaître l'historicité de Jésus, mais de le réduire à un personnage simplement humain. Et pour ce faire, des apocryphes ont été ressortis du tiroir pour attester une liaison avec Marie-Madeleine, une descendance terrestre du Christ, bien sûr, tout en niant sa résurrection. On se rappelle déjà du roman de Nikos Kazantzakis, qui a donné le film de Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ, un film qui a fait un grand scandale à son époque, fin des années 80. Il y a eu aussi Jesus Christ Superstar, où il y a aussi cette idée d'une relation amoureuse entre Jésus et Marie-Madeleine. Et maintenant, plus récemment, Da Vinci Code, qui a rouvert ce dossier, d'abord le livre, ensuite le film, en 2004. En 2005, le film d'Abel Ferrara, Mary, qui a eu le Lion d'Or au Festival de Venise, et qui parle aussi de l'évangile de Judas et de tout ce problématique. Et voilà, cette année même, au mois de mars, la première du documentaire produit par James Cameron et réalisé par le Torontois Simcha Jakubowicz, qui a eu donc sa première aux États-Unis sur le Discovery Channel, et ensuite le 6 mars à Vision TV au Canada, où on soutient pas moins d'avoir trouvé à Jérusalem une tombe du Christ avec des os dedans, une descendance du Christ. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela, Jean-François Colosimo? Oui, alors bon, on a là plusieurs phénomènes qui sont assez différents, comme l'auditrice qui a posé une question le dénoter. Il y a aujourd'hui des questions qui sont normales et naturelles face à l'abondance des documents qu'ont provoqué diverses découvertes. On peut penser à celles de Kunram qui ont eu lieu en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale et qui ont permis de connaître et d'identifier la bibliothèque de ces Esséniens dont nous connaissions l'existence par des mentions dans des textes antiques mais dont nous avions perdu toute trace, et des milieux esséniens qui nous ont permis de mieux comprendre le milieu juif où le Christ vit, où il parle, où il prêche, et milieu essénien qui n'est d'ailleurs pas sans rapport avec probablement certains milieux autour de Jean-Baptiste, même si Saint-Jean-Baptiste n'est pas un essénien, enfin, etc. Donc ces manuscrits découverts dans des grottes, à Qumran, près de la mer Morte, nous ont apporté une meilleure connaissance, en fait, du milieu dans lequel Jésus de Nazareth vit et agit. De la même façon, un peu plus tard, les découvertes de Nag Hammadi en Égypte, qui sont les découvertes d'une bibliothèque gnostique, les gnostiques étant en fait, pour les chrétiens, des hérétiques, sont des gens qui ont une conception du monde qui est dualiste, qui n'est pas une conception du monde comme celle que présente la Bible. Chez eux, souvent, en fait, le créateur du monde est un faux dieu, le monde lui-même est un lieu de prison, en quelque sorte spirituelle, le corps est un tombeau, il faut s'en libérer, soit par de vastes ascèses, soit au contraire par de la débauche, enfin, etc. Mais ces gnostiques étaient importants. Irénée de Lyon, le grand apôtre des Gaules, n'est-ce pas, qui vit au deuxième siècle à Lyon, qui vient d'Asie Mineure, qui est un grec, a consacré une partie de son œuvre à les combattre contre les hérésies et contre les gnostiques, puisque ces gens, en quelque sorte, tâchaient de s'infiltrer dans l'Église et de récupérer le message chrétien. C'est chez eux, par exemple, qui a été élaboré, et on en connaissait l'existence à travers des catalogues, le fameux évangile de Judas, dont on parlera aussi tout à l'heure, c'est-à-dire l'évangile des Caïnites. Bon. Donc ces découvertes, elles ont été importantes, il ne faut pas les nier. Elles nous ont permis une meilleure approche, une approche plus fine. Mais une approche plus fine de qui et de quoi? La question reste entière, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si, au fond, les savants se sont mis d'accord, plus ou moins, pour mieux apprécier l'originalité intrinsèque de Jésus sur le fond du monde méditerranéen, sur le fond du monde hellénistique et sur le fond du monde juif de l'an zéro, à peu près, n'est-ce pas? Eh bien, si les experts sont d'accord, en revanche, évidemment, on a ouvert un peu la boîte à magie, la boîte aussi à faire des sous, et je dirais que la mentalité moderne, à travers les arts du spectacle, à travers la télévision, à travers le cinéma et toutes ces industries du divertissement, se sont engouffrées, en fait, n'est-ce pas ? La mentalité moderne, elle s'est engouffrée dans cette brèche ouverte pour se constituer un Jésus en 2007, début du troisième millénaire, qui correspond tout à fait à la conception de l'humanité qu'on peut se faire aujourd'hui. Il faut humaniser Jésus, donc Jésus doit avoir une petite amie, sinon il n'est pas humain, n'est-ce pas? Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est aussi pathétique que ça. C'est tout à fait l'histoire du Da Vinci Code, qui nous explique que Jésus aurait eu une aventure avec Marie-Madeleine, ne serait pas mort sur la croix, serait parti plus loin, ce sont en fait de vieilles théories gnostiques, peut-être parti en Inde même pour se faire initier, qui sait? Évidemment, c'est quoi? Ben, c'est une adaptation, je dirais, de l'aventure exceptionnelle des évangiles à la médiocrité ambiante. On nous dit au fond que finalement le secret de la civilisation chrétienne tiendrait à un vague petit secret de famille, à une histoire sous la couette mal résolue. Et je crois que là on est évidemment face à des entreprises qui ne se savent pas comme telles, mais qui, je crois, sont dans la détestation de ce que le christianisme propose à l'homme, à la femme, comme authentique salut, n'est-ce pas? On n'est pas face à un complot. Il faut pas croire cela. Je crois que ce qui complote par nature, c'est la médiocrité, c'est l'idiotie, c'est l'imbécilité, n'est-ce pas? On est face à un affaissement général de la culture, et dans cet affaissement général de la culture, le christianisme est pris violemment à partie, parce qu'il y a une haine de soi dans la culture occidentale héritée de la culture chrétienne, qui fait qu'on a envie, en fait, comme au tir au pigeon, de descendre ce qui nous a fondés. Ce qui m'a étonné quand même, j'ai suivi avec un vif intérêt tous ces débats qui ont été suscités par la sortie du film Da Vinci Code en 2004 en France. Donc il y a eu plein de tables rondes à la télévision et il y avait pas mal de gens qui se disaient des connaisseurs dans le domaine de la théologie, de l'histoire, et qui disait finalement, même s'il y a eu un lien entre Jésus et Marie-Madeleine, ça change rien à la foi, c'est pas incompatible avec la foi, donc une vision assez tiède, sans profondeur de la foi chrétienne. Et là je vais citer ce qu'il disait le réalisateur du film, donc du documentaire The Lost Tomb of Jesus, le tombeau perdu de Jésus, qui vient d'être produit aux États-Unis par James Cameron, donc le réalisateur torontois Simcha Jakubowicz, disait que cette avancée, donc le fait de trouver un autre tombeau du Christ avec des os dedans à Jérusalem, cette avancée, selon-il, pourrait avoir d'immenses implications, mais pas nécessairement les implications auxquelles les gens pensent, dit-il. Certains diront que ça remet en doute la résurrection, mais si Jésus est ressuscité d'un tombeau, pourquoi ne pourrait-il pas avoir fait la même chose d'un autre? Donc toujours cet essai, donc on lance quelque chose qui est visiblement, évidemment, antichrétien, et ensuite on essaie de dire que bon, finalement, ça peut coexister avec la foi chrétienne, mais la foi chrétienne a comme fondement un événement réel, historique, qui a été la résurrection du Christ, et donc si on met en doute ça, tout tombe par terre. Oui, je crois que Bernanos ne distinguait pas la bêtise de la diablerie, quoi, en quelque sorte. Alors, oui, bien sûr, ce sont des attaques frontales. Elles dénotent surtout une crise de la culture, de l'intelligence et de l'humanité dans la société actuelle, qui sont encore une crise qui est encore plus forte, je dirais, que ce qu'elle prétend d'être, que sa volonté de destruction. Voilà. Je veux dire, par là, on est dans les basses eaux de l'histoire, là. On est face au triomphe de l'ignorance. Vous savez qu'il y avait eu auparavant, avant cette tombe perdue de Jésus, donc, hein, puisqu'on résume l'histoire, c'est une tombe qui est censée porter les indications comme quoi Jésus, fils de Joseph et de Marie, y est enterré avec sa femme, Marie, Madeleine, Myriam née. Bon. Cette tombe improvisée, cette tombe qui ne signifie rien, mais qui est, je dirais, surfe sur la vague de la relation entre archéologie, texte, quête des sources, réinvention de la foi, pèlerinage aux sources, enfin, etc. Donc, qui surfe sur une mode. Et bien, donc, cette fausse découverte, elle prétend nous dire quoi? Elle nous prétend nous dire, donc, un, Jésus n'est pas mort, donc, deux, il n'a pas pu ressusciter, n'est-ce pas, hein? Et trois, surtout, il se la coulait douce avec la nommée Marie-Madeleine. Je dirais que c'est quand même un sacré aplatissement par rapport aux thèses gnostiques. Parce que les thèses gnostiques, qui sont évidemment des thèses fausses, hérétiques du point de vue de la foi chrétienne, mais elles voyaient Jésus et Marie-Madeleine parcourant la terre, dotés de pouvoirs surhumains, et faisaient de Marie-Madeleine une grande prêtresse, thaumaturgique, n'est-ce pas? Et non pas une sorte de ménagère tranquillement installée à Jérusalem en attendant d'être enterrée, n'est-ce pas ? Donc oui, chaque époque, encore une fois, forme ses propres mythes. Les nôtres sont assez saumâtres, assez médiocres, assez petits. Et c'est toute la chance, évidemment, de Cameron, avec en plus l'instrumentalisation, scandale, découverte, qui cherche à faire taire la vérité. Mais personne ne cherche à faire taire la vérité. La vérité, elle triomphe, elle finit par triompher par elle-même. Un peu auparavant, on nous avait proposé une tombe de Jacques, frère du Seigneur, qui s'est avérée un faux, fabriqué par un véritable, vrai, bon faussaire, si je puis dire. Et beaucoup d'archéologues sont même tombés dans le panneau, n'est-ce pas, par précipitation, parce qu'on aimerait toucher, n'est-ce pas. Et moi, je crois que dans cette envie de toucher, même si elle est évidemment devenue folle, cette envie de toucher, même si elle est devenue perverse, eh bien, dans cette envie de toucher, il y a quelque chose de vrai. C'est un peu comme Thomas, n'est-ce pas. Nous avons vraiment envie de toucher. C'est d'ailleurs pour ça que l'Évangile nous propose l'expérience de toucher, de voir le Christ. Toucher, voir le Christ, être son contemporain, c'est le fond de l'expérience chrétienne, et tous les Camerons du monde n'y changeront rien, ni les Dan Brown du monde, ni, là aussi, autre exemple pathétique de chute sidérale de la culture, n'est-ce pas, ni, d'ailleurs, les évangiles de Judas, bien que l'évangile de Judas présente un cas un peu différent, assez intéressant. D'abord, c'est un véritable texte, pour le coup, c'est un texte des Caïnites, on le savait, n'est-ce pas, qui dit en deux mots que Judas trahit Jésus à sa demande, puisque Judas est le seul à avoir compris qu'il est Léon cosmique, qui veut se libérer de son corps, etc. Alors évidemment, on est tout à fait là, hors du christianisme, vous voyez, Jésus lui-même a la hantise du corps, il veut être libéré de son corps, pour un peu, il demanderait à la crémation, et non pas l'enterrement. Ah, bon. Cet évangile, malgré tout, montre un souci du sort de Judas, qui est là encore un souci parfaitement contemporain, mais beaucoup plus compréhensible. Enfin, ou plutôt, l'intérêt qu'on a porté à cet évangile, n'est-ce pas? il y a eu une forte médiatisation. Là encore, on nous a raconté que le texte avait été empêché de parution, ce qui n'est pas du tout vrai. Là aussi, il y a eu une reconstitution paléographique qui était intéressante. Bon, mais par rapport à ça, il y a quelque chose de plus important et de plus simple, c'est que ce texte, donc, hautement commercialisé, a frappé juste sur le fait que nous aimerions être réconciliés. Nous aimerions penser, après le XXe siècle, les horreurs du XXe siècle, que même les traîtres, au fond, ont une humanité, n'est-ce pas ? Or, voyez la différence entre cet évangile de Judas, évangile des Caïnites, et la réalité profonde du christianisme. Dans le christianisme, Judas trahit réellement. Il a réellement aimé le Christ, il a réellement trahi. Dans le christianisme, il y a de l'irrémédiable, il y a de l'irréparable. Il y a une véritable tragédie, voyez ? Le christianisme ne ment pas, et ne peut pas mentir sur Jésus, parce que Jésus est pleinement homme en ce sens-là même, qu'il nous place nous-mêmes face à notre propre humanité. Le christianisme court tous les risques, y compris celui de voir Jésus trahi, vraiment, sans espoir de réconciliation peut-être, y compris dans l'éternité, qui sait ? On n'en sait rien. Mais voilà que c'est ouvert, voilà que la tragédie a frappé. Le christianisme ne vous raconte pas d'histoire. Le christianisme est dans l'histoire. Alors, on va écouter encore un hymne liturgique de l'Église orthodoxe. Le premier entrevue, ce jour le Seigneur l'a fait, soyons dans la joie et dans la déviance. Monsieur le comte de la gloire de Dieu, le fils maman annonce l'œuvre de ses mains. Encore une hymne liturgique de la période pascale, dont le texte est tiré du psaume 117. Ce jour, le Seigneur l'a fait, soyons dans la joie et dans l'allégresse. Bon fête, Jean-François Colosimo, voilà, on va trinquer de nouveau, le Christ est ressuscité. Qu'est-ce qu'on boit dans votre émission Donc, j'aimerais bien qu'on finisse sur un ton de joie, comme on a commencé d'ailleurs, même si on a discuté des choses graves aujourd'hui. Je vous rappelle que le Christ ressuscité s'est montré pas seulement pendant 40 jours à ses contemporains, mais il s'est montré au long de ces 2000 ans du christianisme à des personnes choisies, des saints de l'Église. Et nous avons un témoignage assez récent, donc du XXe siècle, de Saint Silouan du Mont Athos, qui, dans sa cellule, a reçu la visite du Christ ressuscité, a reçu un message pour l'humanité du XXe siècle. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Essayez de conclure sur cette idée. Je crois que lorsqu'on me pose la question, croyez-vous ? Je ne sais jamais quoi répondre parce que je ne sais pas ce que veut dire croire. Je crois que, et je pense en fait, qu'il n'y a rien de plus opposé à l'expérience chrétienne de la foi que l'idée même de croyance, n'est-ce pas ? On peut croire au football, on peut croire à l'astrologie, on peut croire au communisme. Avec le Christ, il ne s'agit pas de croire. L'expérience de la foi, c'est une expérience de rencontre. C'est le Christ lui-même qui donne cette rencontre, la possibilité de cette rencontre. C'est le face-à-face, n'est-ce pas ? Et c'est le face-à-face qui explique, qui commente. C'est lui l'exégète. C'est cela, le chemin d'Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs, n'est-ce pas ? Il leur parle de l'Écriture et il leur explique comment l'Écriture s'applique à lui. Le Christ exégète de sa rencontre avec nous. Le Christ commentateur de nous-mêmes, le Christ qui nous fait voir dans sa lumière qui nous sommes, n'est-ce pas ? Je crois que c'est ça l'essence de la foi chrétienne. Alors, on va me dire, oui, mais regardez, il y a quand même l'épreuve du doute. Moi, je ne crois pas non plus à l'épreuve du doute. Je ne crois pas que douter, ça fonde la foi, c'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas de doute là où il y a l'évidence du ressuscité. Et si, peut-être, il nous arrive d'oublier cette évidence, peut-être nous la perdons de vue, peut-être nous perdons le Christ de vue. Mais, pour finir, tout simplement, il y a cette fantastique homélie de Mgr Antoine Blum sur le Christ face à Thomas. Et Mgr Antoine dit, Thomas ne doute pas, il a raison de ne pas croire. Pourquoi est-ce qu'il a raison de ne pas croire? Parce que, en fait, les disciples autour de lui n'ont pas l'air eux-mêmes ressuscités. Soyons ressuscités, nous-mêmes, à l'image du Christ, que sa lumière de résurrection brille sur nos faces, et le monde croira, c'est-à-dire le monde le rencontrera en ayant la foi. Merci Jean-François Polosimo. Chers auditeurs, je vous invite à écouter nos émissions précédentes sur la rubrique podcast audio du site internet orthodoxie.com, où vous allez retrouver aussi l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie à tous pour votre attention. Mes remerciements aussi à Roman qui nous a aidé à la réalisation technique de cette émission et à Dora qui a été au standard. Le réalisateur de cette émission, Bogdan Florin Vlaïkou, vous souhaite une semaine emplie de joie spirituelle et vous donne rendez-vous samedi prochain à 13h sur Radio Enguin 98 FM et dimanche prochain à 17h sur Radio Notre-Dame 5.7 FM. Oh,